Deuxième partie de notre développement, la conscience que j'ai de moi-même n'est pas une véritable connaissance de soi. Donc, nous avons reconnu un certain privilège du sujet dans l'accès à ses propres états internes. Pour autant, la conscience de soi n'est pas une connaissance de soi. C'est la perception que nous avons de nous-mêmes, mais pas encore une connaissance proprement dite, c'est-à-dire une représentation rigoureuse et exacte, fondée sur une justification objective, c'est-à-dire acceptable par tous. En ce sens-là, la conscience d'un état interne n'est pas identique à une connaissance de cet état. On peut prendre un exemple simple pour essayer de comprendre cela, celui de la douleur. La douleur, c'est un signal nerveux qui indique qu'il y a un dysfonctionnement qui se produit dans l'organisme. Quand j'éprouve une douleur, je prends conscience qu'une partie de mon corps a subi un dommage. Pour autant, au-delà du vécu désagréable et de l'incitation à modifier mon comportement, la douleur en elle-même n'indique pas forcément sa cause. Si j'éprouve une douleur, je ne sais pas forcément pourquoi j'ai mal. Le simple fait de ressentir une sensation de douleur ne nous en dit pas forcément l'origine. La douleur, c'est un symptôme qui va avoir besoin d'être interprété. Alors, je vais peut-être regarder moi-même et découvrir la cause, mais aussi parfois je vais devoir passer par un médecin pour savoir vraiment quelle est l'origine de ce mal. Et c'est en ce sens que René Descartes déclare que la douleur, c'est une idée claire, mais confuse. Alors, il nous dit que c'est une idée claire parce que lorsque j'éprouve une sensation de douleur, l'idée de cette sensation, elle est pleinement présente à mon esprit. Elle est très intense, je me la représente vraiment de façon très claire, ça envahit tout mon esprit. Ma conscience, elle se trouve pleinement focalisée sur cette sensation poignante et désagréable. En revanche, elle est bien confuse parce que l'idée de la douleur, elle m'est difficile à analyser en détail, puisque voilà, je ne peux pas le rapporter à sa cause. Donc là, on voit, c'est un état de conscience, je perçois bien quelque chose, mais je ne peux pas dire que je connaisse vraiment, parce que je ne sais pas vraiment pourquoi il y a cet état de conscience, je ne sais pas forcément d'où il vient. Et c'est pour ça, voilà, nous allons aller voir le médecin pour qu'il il essaie de nous clarifier la situation et d'essayer de le traiter. Il en va en fait de même d'autres états de conscience, tels que les désirs. Voilà. J'ai conscience de désirer telle chose, mais je ne sais pas forcément pourquoi je désire telle chose. C'est en ce sens que Baruch Spinoza déclarait que les hommes ont conscience de leurs appétits, mais pas des causes qui les déterminent. En effet, être attiré par une chose ne nous indique en rien ce qui nous pousse vers cette chose en particulier. Ainsi, tous les traits de personnalité qui paraissent me définir semblent échapper à ma compréhension. Il pourrait n'être que le résultat d'influences s'exerçant sur moi sans que j'en aie conscience. Les traits de la personne apparaissent en grande partie façonnés au cours d'un processus d'intégration sociale. Voilà, l'individu naît dans un certain milieu et puis il va être intégré à différents milieux et au cours de son intégration à différents cercles sociaux, l'individu contracte, de manière implicite ou explicite, des obligations, il admet de nouvelles normes qui vont orienter sa conduite et sa pensée. Et il va intérioriser peu à peu des normes de comportement, mais en fait sans s'en rendre compte le plus souvent, il n'en prend pas vraiment conscience. Il va adopter des goûts, il va adopter des manières d'être qui vont devenir pour lui naturelles. Ça, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle des attitudes dispositionnel spontané, il appelle ça des habitus. L'habitus, en fait, il est incorporé par l'individu au point de le définir. C'est en quelque sorte l'empreinte laissée dans la personnalité de l'individu par le groupe social et par les institutions dont il dépend et auxquelles il appartient et auxquelles il est soumis. Mais en fait, souvent, il ne se rend même pas compte de ses manières d'être. Bah, par exemple, nous explique Bourdieu, nous avons incorporé dans notre manière d'être des normes relatives à notre façon de nous tenir, notre façon de manger, de parler. Et en fait, nous les appliquons le plus souvent sans nous en apercevoir. Ça aussi, voilà, ça détermine notre conduite, ça fait partie de notre personnalité, un peu de la même façon Spinoza nous parlait des désirs, mais sans qu'on s'en rende compte. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'habitus décrit par Bourdieu, en fait, souvent notre propre habitus, on s'en rend parfois un petit peu compte, on en prend un petit peu conscience, quand on est confronté à des personnes qui ont d'autres manières d'être. C'est seulement à ces moments-là que ça ressurgit à notre conscience. Donc on voit bien à partir de cela qu'il y a tout un tas d'éléments qui participent à définir qui nous sommes, que nous ne percevons pas, que en première personne, nous ne saisissons pas. On peut dès lors douter que l'introspection, c'est-à-dire l'examen de notre propre intériorité, c'est-à-dire l'esprit qui va réfléchir sur ses actes et ses états passés, on peut douter que cette introspection, elle permette réellement d'accéder à une connaissance de soi, comme on l'avait d'abord supposé. Voilà, en remontant dans le fil de mes états passés, je peux accéder à certains états de conscience, mais ça ne va pas vraiment me dire forcément exactement qui je suis. En fait, dans cet examen rétrospectif de mes états de conscience, ces états, ils m'apparaissent toujours avec une moindre intensité que celle dans laquelle je les ai éprouvés. Je ne peux jamais vraiment savoir comment j'étais au moment où j'étais pris par telle émotion, où j'ai commis tel acte. En fait, l'attitude d'attention et de réflexivité qu'exige une observation attentive, objective, eh ben, elle est incompatible avec la plupart des états de conscience que nous vivons, comme la colère, la tristesse, la joie qui affectent notre conduite. Et ainsi, nos propres états et nos propres actes souvent nous échappent. Et ça, c'est ce que souligne Augustin Cournot lorsqu'il affirme qu'on n'est jamais en bonne posture pour analyser nos propres états de conscience. Voilà. Lorsque je suis dans un certain état émotionnel, comme lorsque je suis en colère ou lorsque j'éprouve de la tristesse, eh bien, cet état émotionnel, il modifie ma perception, il altère mon jugement, et donc je vais difficilement pouvoir m'analyser moi-même de façon objective, alors que mon jugement est justement biaisé. Mon jugement est modifié par mon émotion. Donc là, on voit bien, il semble, encore une fois, que je ne semble pas être en très bonne posture, en très bonne place pour me juger moi-même. En outre, ben, ces tentatives d'introspection pour se découvrir soi-même par l'auto-analyse, par la réflexion, elles s'appuient sur la mémoire. Mais le problème, c'est que la mémoire, elle est loin d'être tout à fait fiable. Elle est loin de pouvoir retenir tout ce qui nous concerne. D'abord parce que, comme on l'a noté, la conscience, elle peut être altérée par des modifications, voilà, des sentiments, les émotions, les sensations aussi. Des biais du jugement. Et donc, au moment où je commets une action, parfois je n'ai pas conscience de la totalité de ce qui m'arrive. Mais en outre, rétrospectivement, la mémoire que je vais avoir de ces états passés, eh bien, elle est sélective. La mémoire, elle tend à ne retenir que certains éléments, voire parfois, elle tend à recomposer les souvenirs, afin d'assurer une certaine cohérence, une certaine continuité dans la pensée. La mémoire peut ainsi trier les informations, ce qui va donner lieu à une image un petit peu trompeuse de soi-même. Alors, Sigmund Freud, il expliquait cela par une forme d'attachement inconscient du moi, donc du sujet, à ce qu'il appelait un idéal du moi, c'est-à-dire une représentation idéalisée de nous-mêmes. Et selon Freud, l'esprit, il avait tendance à refouler spontanément les désirs, les pensées qu'on a pu effectivement éprouver, mais qui ne correspondait pas avec notre image idéalisée de nous-mêmes. Parce qu'il s'agit, d'une certaine manière, l'esprit maintient son intégrité, il maintient son unité. Donc si j'éprouvais un désir qui n'est pas compatible avec mon idéal de moi-même, eh bien, spontanément, notre inconscient, nous dit Freud, refoule ces événements. Un exemple que prend Freud, c'est celui d'une sœur qui éprouve voilà, une grande souffrance, enfin une femme qui éprouve une grande souffrance parce que sa sœur est décédée. Alors, on peut dire, voilà, c'est juste parce que sa sœur est décédée. Mais en fait, Freud analyse cette personne et il nous dit, ben, en fait, il y a quelque chose de plus que cela. Bien sûr, il y a le deuil, mais il y a autre chose qui est en jeu. En fait, cette personne, même si elle ne s'en rappelle pas, elle souffre d'avoir en fait éprouvé une mauvaise émotion, une émotion incompatible avec l'idéal d'elle-même. Notamment dans cet idéal d'elle-même, il y avait l'idée qu'elle était une bonne sœur, une sœur aimante, mais il se trouve qu'au moment de la mort de sa sœur, eh bien, elle a éprouvé un désir pour son beau-frère. et elle était en quelque sorte satisfaite de la mort de sa sœur, et parce qu'elle allait pouvoir avoir son beau-frère pour elle. Bon, et donc Freud nous dit, bah, cet événement, ce désir, qui était un mauvais désir, il a été refoulé d'une certaine façon, il a été caché à la conscience de cette femme, mais il continue de la faire souffrir, et donc elle s'est cachée à elle-même un certain désir, des mauvaises pensées, d'une certaine façon, qui ne lui apparaissent plus en conscience. Alors bon, ce mécanisme de refoulement, il est assez remis en cause en fait par les travaux contemporains de psychologie. Mais en tout cas, ce qui ressort, peut-être ce qu'on peut garder de Freud, c'est quand même l'idée que la conscience n'a pas accès à la totalité de ses états internes. Et que la mémoire, elle peut souvent être trompeuse, elle peut déformer le passé. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retient encore aujourd'hui. Et la psychologue Elisabeth Loftus, hein, donc dans les années 70, donc plus récemment, elle a ainsi montré qu'il était possible de provoquer chez un individu l'apparition de faux souvenirs. Notamment lorsque des informations erronées vont être suggérées à la personne, vont être présentées à la personne comme vraies, et en fait, à son propos, et la personne va avoir tendance à s'attribuer des actes qu'elle n'a pas commis, elle va se représenter des événements qu'elle n'a pas vécus, et elle va croire en conscience qu'elle a vraiment vécu tout cela. Et donc il y aura bien un décalage entre ce dont elle a conscience et la réalité, du fait d'une forme de déformation du passé par la mémoire. Il ne semble donc pas que je puisse totalement faire confiance à ma propre expérience pour me connaître. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'autrui ne serait pas alors en meilleure posture pour me connaître? Est-ce que son extériorité ne pourrait pas lui conférer une distance nécessaire pour faire de moi un objet de connaissance, pour m'étudier un petit peu, pour m'analyser de façon objective? On pourrait faire un parallèle, alors ici on est sur le plan individuel, mais on pourrait faire le parallèle au niveau collectif. On voit que l'anthropologie, l'étude des sociétés humaines, eh ben, elle s'est surtout construite d'abord comme une étude des sociétés différentes. Hein, les anthropologues, notamment à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était souvent des Européens qui allaient dans des sociétés non européennes étudier ces sociétés. Et puis maintenant on voit aussi une anthropologie qui s'est intéressée aux sociétés européennes également. On voit très souvent, c'est quand même plus facile d'aller étudier la société de l'autre. La différence entre moi et autrui, elle permet de prendre conscience des particularités, elle permet de prendre conscience des normes sociales, dans le cas de l'étude de la culture d'autrui. Parce qu'en fait, les normes aux personnes qui vivent dans une certaine culture, elles apparaissent souvent comme naturelles. On ne se rend pas compte des normes de notre propre société parce qu'on les applique tous les jours, on n'en a pas conscience. Et ben, d'une certaine façon, ce serait peut-être un petit peu la même chose pour l'individu. Voilà, ce qui moi m'apparaît comme naturel pour moi, enfin, je m'en rends même pas compte, et bien peut-être qu'autrui, il pourrait mieux s'en rendre compte que moi. Alors, ça pose tout de même un problème. Est-ce qu'autrui, quand bien même s'appuierait-il sur une méthode d'investigation, est-ce qu'il risque pas aussi d'avoir un point de vue un petit peu partiel, sélectif sur moi? Ben ça, c'est un petit peu le risque, le danger qu'on va essayer d'étudier. Est-ce qu'il risque pas de me réduire à une image déformée de moi-même? Bon, Freud, lui, nous disait que justement, ben c'est pour ça que le psychanalyste, quand il essayait d'aider son patient à retrouver son passé, c'était pas à lui de donner la réponse, c'était plutôt juste l'échange qui devait être la clé de la prise de conscience. C'était aussi déjà un petit peu ce que nous disait Socrate. Socrate, quand il échangeait avec Alcibiade, il n'avait pas à lui dire « je sais qui tu es », mais c'est dans notre échange que nous allons apprendre à nous connaître. Donc, dans l'analyse, il y a l'idée que c'est le concours extérieur, enfin, c'est le rapport à autrui qui va permettre la prise de conscience, non pas dans le fait que autrui va m'imposer un savoir qu'il aurait sur moi que je n'ai pas, mais c'est plutôt notre échange qui va nous permettre mutuellement d'acquérir une connaissance de nous-mêmes.